De l'argent liquide, cela conviendra. On n'est jamais trop prudent avec les individus de votre espèce. Monsieur désire-t-il une petite entrée? Je peux lui proposer des amuse-gueules. Non, merci. Je crois que je prendrai directement une injection intraveineuse de drogue dure. Comme monsieur voudra. Ses désirs sont les ordres. Et après toutes ces années de foncé, entre la 8, la CC, entre les potes, les condés, Méditerranée, les formations ratées, galérées, fêter mes 20 ans seul avec ma rebier. Sans un franc sur mon banc, mater la gueule, dépassant les pieds collés au ciment, du sucre dans les dents. J'ai plus quoi faire dans cette vie précaire, presque par terre, si proche du cimetière. 50 grammes en temps de crise, âme qui vit. J'n'ai pas si tout presque, je vais comme la courroux du sec. Descendant les bafous comme Mephistopheles. J'ai sur mon cahier en descendant un départ sec. Souvenir comment j'en suis venu à la picole. Depuis la petite école, j'en ai bavé, mat si j'en rigole. Regarde ce que je suis devenu, un revenant pour qui les sentiments et l'amour propre sont mis à la rue. Si je ris si souvent, c'est que taper la gueule ça gâche. Si mes rimes fâchent, m'en bats les couilles, tout ça c'est pour mes proches. Crois pas que je prêche, j'en suis pas au prêché, prêcha. La perche tendue par Dieu était prêchée, adieu la vie de Pacha. Le rhume, la cocaïne fait des ravages dans nos ruelles, dans nos ruelles, dans nos ruelles. Si Ken, le survivant, dans ma thermie, je me contente de peu. Un gros pétard, un lit, un lit. On est gouverné par Palerchon. C'est le trou du cul du monde, ce pays de mie. Et ton air pur et tes grands espaces, ils peuvent rien, c'était foutu d'avance.